Chapitre 3e. C'est au milieu des Mpongwe que nous sommes établis. Ce n'est pourtant pas eux que l'Européen voit les premiers quand il met le pied au Gabon. Soit qu'il débarque à l'établissement français ou devant les factories anglaises de glace, les gens affairés, aux types nègres fortement accusés, qu'il rencontre tout d'abord déchargeant des navires ou embarquant dans des pirogues les produits du pays, ne sont pas des Mpongwe. Ce sont des Cro-Men, véritable portefaix de la côte d'Afrique, que l'on recrute à 300 lieues plus au nord aux moyens d'engagement toujours respectés et qui mettent à la disposition des Européens une vigueur et une honnêteté bien rares parmi les populations africaines. Ce n'est pas parmi ces infatigables travailleurs qu'il faut chercher le Gabonais. Aux mains dolentes et sans ressort, il sait très bien répondre quand on lui propose un labeur un peu sérieux. Ça, travaille pour Cro-Men, ou mieux encore, travaille pour Blanc. Selon lui, le bon Dieu ne veut pas que les Mpongwe travaillent. C'est donc dans son village qu'il faut aller le chercher, ou bien sur la plage qui lui sert de grand route, car en sa qualité de courtier maritime, c'est son métier quand il en a un, il a son village au bord de l'eau, sa pirogue est son unique véhicule, et la plage est son chemin de grande communication. C'est d'ailleurs, à marée basse, la promenade la plus agréable du pays. Des groupes de négresses y circulent en bavardant. Les jeunes filles marchent d'un pas relevé, car leur costume ne les gêne pas. Un pagne de cotonnade noué autour des hanches et tombant jusqu'à mi-jambe en font tous les frais. Dans les grandes circonstances, une autre pièce d'étoffe, drapée sur une épaule, descend presque sur le sol. Elles sont en toilette. Les femmes mariées sont moins accortes. Elles marchent en se dandinant pesamment sur les hanches. Ce n'est pas que leur costume soit beaucoup plus compliqué, mais elles portent aux jambes une multitude de gros anneaux de cuivre ou barrettes étagées depuis les chevilles jusqu'aux genoux. Ces espèces de bottes métalliques, véritables boulets qu'elles traînent après elles, alourdissent leur allure, pèsent sur la cheville et produisent de douloureuses excoriations. La mode a partout ses martyrs. Parfois on rencontre ces pauvres femmes portant sur leur dos de lourds fardeaux. Ce sont les bêtes de somme du pays. Les maris les suivent en activant leur marche, fumant leur pipe mais ne portant rien. Tous ces gens-là vont sans se presser, arrêtent tous les passants, saluent les Européens d'un mbolo amical, c'est la formule de politesse réglementaire, s'arrêtent à chaque pas pour bavarder, car à l'exception des femmes chargées, nul n'est pressé d'arriver, personne n'ayant rien à faire. La race Mpongwe est assez belle. Voici le portrait qu'en a tracé le docteur Lestrie dans la revue coloniale de 1856. Le Mpongwe est généralement grand et bien proportionné. Les saillies dessinées par ses muscles dénotent de la vigueur. La jambe est mieux faite qu'elle ne l'est habituellement chez les Noirs. Le pied est plat, mais le coup de pied est cambré. La main est petite et parfaitement attachée. L'humérus est trop court proportionnellement à l'avant-bras. Les yeux sont en général beaux et expressifs. Le nez peu ou point épaté. La bouche médiocrement fendue. La lèvre inférieure est épaisse sans être pendante. Les dents sont habituellement belles et bien rangées. La forme prognate de la face est très rare. Leur couleur est plutôt bronzée que noire. Elle se rapporte au ton indiqué au numéro 41, 42 et 43 du tableau chromatique publié par la Société d'anthropologie de Paris. Le système pileux est relativement développé. La plupart se rasent une partie des cheveux en figurant des dessins variés. Beaucoup sont complètement dépourvus de barbe. Enfin, leur poitrine est large et bien développée. Les femmes sont généralement petites. Elles ont les extrémités fines et délicates. La main surtout est parfois réellement élégante. Hommes et femmes ont la poitrine nue. Les dames la couvrent de colliers de perles, dont les couleurs sont souvent assorties avec beaucoup de goût. À ces colliers sont attachés de petits fétiches plus ou moins précieux. Souvent aussi, la grande femme, celle qui est réellement maîtresse au logis conjugal, y suspend les clés de ses coffres. Enfin, elles portent d'énormes boucles d'oreilles qu'on leur fabrique en Europe sur un modèle invariable. Des bracelets de cuivre et des bagues, non seulement aux mains, mais même aux gros orteils. Voilà les gens qu'on voit défiler auprès de soi quand on parcourt la plage du Gabon. Le spectacle est peu varié, car la population est rare et la circulation peu active. Heureusement, le panorama recrée un peu la vue. La mer est toujours belle à voir par une chaude soirée des tropiques, surtout quand les yeux éblouis peuvent se reposer de son éclat sur une lisière de verdure. De magnifiques liserons à feuilles charnues s'allongent sur le sable comme s'ils voulaient le disputer à la mer. D'autres grimpent sur des dattiers nains et sur les jasmins du cap. des sterculia à fruits rouges étoilés se mêlent à des légumineuses arborescentes couvertes de grappes qui ont la couleur et le parfum du lilas. De loin en loin, des cases apparaissent à travers des éclaircies de feuillage. On aperçoit ainsi, à peu de distance de la plage, la mission catholique. Là, vit un vieillard entouré des respects de tous, Monseigneur Bessieux, évêque de Callipolis, moins vieilli par l'âge que par les fatigues d'un long apostolat consacré tout entier aux populations africaines. Il partage aujourd'hui ses soins entre la direction de la mission et la culture d'un vaste jardin, et de nos indigènes peut tenter de limiter le spectacle d'une vie qui restera consacrée jusqu'à sa dernière heure au travail et à la charité. Il y a 2 ans, M. l'amiral Didlot s'est fait l'interprète du sentiment public en demandant la décoration de la Légion d'honneur pour ce modeste et vénérable prélat qu'il a reçu moins comme une distinction personnelle que comme une marque d'estime accordée à l'œuvre à laquelle il a voué sa vie tout entière. Non loin de là, le village du roi Louis. De longues séries de cases forment une large rue dans laquelle 1 ou 2 grands arbres projettent leur ombrage. Derrière les maisons, une vaste clairière a été déblayée à l'aide de l'âge et du feu. Les bananiers, le manioc, les papayers y poussent vigoureusement et dénoncent loin, par leur couleur tranchée, la présence du village. Des pirogues allées sur la plage, des filets en fil d'ananas qui sèchent au soleil, quelques tas de bois rouge et de bois d'ébène qui attendent l'arrivée d'un navire, quelques maigres volailles picorant dans la rue. Voilà le village de Louis, et tous sont jetés dans le même moule. Le Mpongwe a du reste maison de ville et maison des champs. Celle-ci, qu'il appelle son habitation, est parfois perdue au milieu des bois à plus d'une lieue de là. C'est là que se font les grandes cultures. Ces villages contrastent par leur bonne tenue avec la malpropreté habituelle des villages africains. Les cases, bâties avec les branches d'une sorte de palmier, les nimbas sont régulières et de bonne apparence. Malheureusement, l'intérieur ne répond pas toujours à l'extérieur. Riche ou pauvre, frotté ou non de civilisation, le Gabonais est rarement propre. C'est là son moindre défaut et son intérieur s'en ressent. La pièce dans laquelle donne accès l'unique porte ouverte sur la rue est une chambre commune. 1 ou 2 larges canapés en branches de palmier qui servent à volonté de siège ou de lit témoignent de son importance. Des chaises, de la vaisselle européenne, des coffres, beaucoup de coffres, devraient-ils rester vides, complètent l'ameublement d'une maison confortable. En entrant dans cette pièce, on y trouve habituellement le maître du logis. Étendu sur son canapé, il fume ou dort. Il se lèvera peut-être pour faire honneur à son hôte, lui cédera même sa place avec une certaine politesse. Si pourtant c'est un chef, il connaît sa valeur et ne se dérange pas. Assis à la turque, l'une des jambes repliées sous lui, entouré de serviteurs qui ne s'approchent de son auguste personne qu'en courbant l'échine, il tend la main au visiteur, la seule main qui soit libre, car de l'autre il pétrit invariablement le pied sur lequel il est assis. Puis, d'un geste digne, il l'invite à se placer à ses côtés. C'est un honneur qu'il lui fait, et sa considération y gagnera le village, sauf par lui à reconnaître cette hospitalité royale par quelques cadeaux d'importance. Un objet européen quelconque le fera bien venir de sa majesté nègre, quelques pipes de tabac lui assureront sa conquête, pour de l'eau de vie, il vendrait sa famille. Mais c'est le maître du logis où, en son absence, sa grande femme, la première en date, fait tant de frais d'amabilité, cette émotion ne gagne pas les autres gens de la maison. Groupé au milieu de la case, autour du foyer de famille, il ne se dérange pas. Ce foyer est en permanence. 3 ou 4 tisons enfument constamment la case, la débarrassent des moustiques, dessèchent quelques peaux de bêtes suspendues dans un coin, boucanent quelques débris de viande ou de poisson, et servent enfin à cuire les aliments. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, le foyer est le centre d'attraction de la famille. À côté de lui, 2 ou 3 femmes, la pipe aux dents, épluchent des bananes, nettoient des ignames, préparent le manioc, ou ratissent avec leurs couteaux de longues feuilles d'ananas pour en extraire les fils. D'autres frottent avec du jus de citron leurs anneaux et leurs bracelets de cuivre. Une autre enfin peigne, coiffe et pommade, quelques négresses étendues tout de son long par terre, la tête appuyée sur les genoux de sa coiffeuse. Au milieu de toutes ces femmes, quelques négrillons se culbutent dans les cendres du foyer. Tel est le tableau de la vie intérieure. Ces gens-là ne s'émeuvent pas des allants et venants. La coiffeuse surtout est inébranlable. c'est que ce n'est pas une petite affaire que d'édifier la coiffure d'une Gabonaise. Il faut y consacrer presque une journée de travail. Mais l'édifice, une fois bâti, mastiqué, saupoudré sur ses arêtes avec une poudre rouge assez compliquée, qui contient entre autres ingrédients des feuilles de vanille, en voilà pour 15 jours au moins. Je passe les détails de cette partie de la toilette. Tous ne sont pas bons à dire. Sur les 2 ou 3 coiffures à la mode, la plus remarquable et la plus commune est l'édifice ample et sévère que le lecteur peut voir sous la tête de la grande femme du roi Denis. On construit ce bizarre appareil en divisant d'abord les cheveux en 2 masses que l'on rapproche ensuite de chaque côté d'une lame posée de champ. C'est la coiffure des femmes mariées, et quelques-unes de ces dames lui donnent une hauteur et une forme qui la font ressembler complètement à un casque armé de 100 cimiers. Les filles du roi Louis, dont nous donnons également les portraits, ont une toute autre coiffure. C'est un double croissant, plus léger, presque tapageur, qui sied mieux à la jeune fille et qui ressemble tout à fait à la mode actuellement adoptée en France. Dans notre galerie de femmes même pongouées, on en voit quelques-unes qui portent des bandeaux à l'européenne. Autant toutefois que leurs cheveux, un peu rebelles, ont bien voulu se prêter à cet arrangement. Ces dames, avant de confier leurs traits à la photographie, ont trouvé de bon ton de se coiffer comme les Françaises. Mais, assez arriérées en matière de mode, elles ont renoncé à leur bourrelet juste au moment où nos compatriotes venaient de les inventer à leur tour, sans se douter qu'elles imitaient un modèle déjà bien vieux sous l'équateur. Toutes ces femmes, entassées dans une même case, sont les épouses du maître de la maison, et l'on peut voir dans quelques-uns de nos dessins des chefs entourés d'un véritable sérail. Cet usage de la polygamie, qui paraît répandu dans tout le continent noir, a d'ailleurs sa raison d'être. L'une de ses causes est la courte fécondité des femmes, qui tient elle-même à ce qu'elles se marient trop jeunes. Au Gabon, une jeune fille est parfois mariée à 10 ans, mère à 14 et vieille femme à 20 ans. De plus, et c'est peut-être la meilleure excuse de la polygamie, il paraît exister sur tout le continent africain une disproportion considérable entre le nombre des femmes et celui des hommes. Il y a en effet ici 5 naissances du sexe féminin contre 3 du sexe masculin, et ce n'est pas le seul point où ce fait se remarque. Un mariage est une affaire de commerce, un marché souvent très long à négocier. Mais le mari qui achète sa femme prend son temps et n'est pas pressé de conclure, car bien souvent la jeune fille qu'il demande en mariage n'est encore qu'une enfant et n'entrera dans le domicile conjugal que pour rester longtemps sous la tutelle de la grande femme de son mari. Si la négociation traîne en longueur et si le beau-père se montre trop difficile à fléchir, le prétendant se décide enfin à recourir aux féticheurs qui se livrent à des incantations infaillibles. Certains philtres font merveille en pareille occasion. Une plante nommée au dépou a une vertu particulière pour ouvrir à l'indulgence le cœur du beau-père. Cette plante précieuse est une jolie légumineuse à graines rouges, dont la feuille a le goût sucré de la réglisse, ce qui lui donne, indépendamment de ses vertus conciliatrices, la propriété plus vulgaire d'adoucir la voix des chanteurs. Une clause singulière de ces marchés matrimoniaux, c'est que très souvent, le gendre est obligé de donner à son beau-père, en échange de la femme qu'il reçoit, une de ses propres sœurs que celui-ci épouse à son tour. Les habitants d'un même village ne se marient pas entre eux à cause des liens de parenté très rapprochés qui souvent les unissent. Ce rigorisme, en matière de mariage consanguin, est remarquable chez ces gens voisins de l'état sauvage. Souvent aussi, quand un Gabonais va chercher femme au loin, c'est par pure spéculation. Un beau-père est un précieux correspondant, et il est tel trafiquant un peu répandu qu'il ne manque pas de se marier dans tous les villages importants avec lesquels il ouvre des relations. Le sort des femmes est peu enviable. Achetées par leur mari, qui tire vanité de leur grand nombre comme d'une preuve irrécusable de sa fortune, elles sont pour lui des esclaves ou peu s'en faut. Tant qu'elles sont jeunes, il en fait un objet de luxe, souvent même d'un commerce, dont il revendique scrupuleusement les honteux profits. Quand l'âge ou une maternité rarement désirée les a dépouillées de leur charme, elles descendent réellement au rang d'esclaves. C'est à elles qu'incombent les travaux de la maison et des cultures pendant que le mari fume ou dort. Quand il s'absente, il renferme celle qui ne l'accompagne pas. La prison est peu solide, il est vrai. Les murailles de bambou ne sont pas une barrière infranchissable. Il est rare pourtant que les prisonnières cherchent à s'échapper. Élevées à cette vie de sujétion, elles en trouvent les rigueurs toutes naturelles. Enfin, dans un pays où les moyens de transport et les bêtes de somme manquent absolument, ce sont encore les femmes qui en font l'office. Il est inutile de reste d'insister sur cette misérable condition des Gabonaises qui ne leur est pas particulière et se retrouve à peu près chez toutes les races africaines. Il y a d'ailleurs le chapitre des compensations. Bien que le mari soit jaloux, sinon de sa femme, du moins de ses droits, il est obligé de lui tolérer une espèce de sigisbé, un congé. Les usages protègent le congé, le mari n'y peut rien. Les usages protègent aussi la dame dans certains cas intimes et délicats, et l'épouse, par trop dédaignée, peut s'enfuir chez ses parents. Ceci ne la rend que si le mari oublieux fait amende honorable et indemnise par un cadeau, non pas son épouse outragée, qui devrait pourtant compter pour quelque chose dans cette affaire, mais son beau-père. Souvent aussi, la femme négligée s'adresse directement au chef du village, qui a parfois à juger, comme les cadis musulmans, des procès singuliers. Enfin, la grande femme, j'ai dit que c'était la première en date, jouit d'immunité toute spéciale. Elle dirige la maison, travaille peu et porte rarement les fardeaux. Si son mari est riche et par conséquent entouré d'un nombreux troupeau conjugal, elle règne au gynécée et en fait la police, sauf à supporter parfois la mauvaise humeur du maître, en raison directe de l'autorité dont elle jouit. Ordinairement encore, c'est elle qui dirige les travaux des habitations, tandis que le mari reste au village. Malgré le triste rôle auquel est réduit l'élément féminin, c'est pourtant autour de lui que tout gravite dans la société gabonaise. Cela se conçoit, car si le mari ne s'attache pas longtemps à sa femme par les liens de l'affection, il s'y rattache toujours par les motifs plus puissants de l'intérêt, bien entendu. Une femme est un capital qu'il exploite de son mieux. C'est celui qui donne un nantissement lorsqu'il reçoit des marchandises en dépôt. C'est celui qui l'engage comme garantie de sa parole pour conclure une affaire à long terme. Enfin, si dans ses relations commerciales avec d'autres indigènes il croit avoir été trompé, c'est encore ce capital qu'il tâchera de soustraire à son voleur, bien certain que celui-ci fera de son mieux pour le désintéresser s'il ne peut pas rentrer par la ruse ou par la force dans la possession de son bien. Aussi, dans toute querelle, dans toute plainte portée devant un chef ou devant l'autorité française, au fond de toute affaire enfin, il y a une femme. Femme volée en sa qualité de marchandise de prix, femme mécontente de son mari à tort ou à raison et réfugiée dans la maison paternelle, enfin femme enlevée. Et Dieu sait quelles discussions, quelles éternelles palabres résultent de toutes ces revendications conjugales. Le cas de séduction est le plus grave, car si le mari tolère l'inévitable congé, il se montre intraitable pour tout autre. Si le délit est prouvé, le délinquant est obligé de payer l'amende et parfois de subir un châtiment corporel. Souvent, le coupable est étranger et s'enfuit dans son village. Généralement, il ne s'en bat pas seul, et voilà la guerre allumée. J'ai vu un jour, dans la rivière Ogowai, un de ses ravisseurs. C'était un beau garçon, au teint olivâtre, aux yeux très doux, au type nègre très atténué. En un mot, un héros de roman très présentable. Malheureusement, il y avait une tâche à son aventure. Il ne s'était pas contenté d'enlever son Hélène, il avait en même temps emporté dans sa pirogue le mobilier du mari. Poursuivi par celui-ci, il avait été repris et attaché à un poteau. Il y était depuis plusieurs jours, méditant sans doute sur les inconvénients du métier d'homme à bonne fortune. Puis il devait payer je ne sais quelle rançon, sous peine d'être vendu comme esclave au bénéfice du mari. Quant à la coupable, elle expiait sa faute dans une case voisine, la tête rasée, un pied passé à travers une énorme poutre et recevant sans doute de temps à autre quelques corrections conjugales.